na banza kayo selio kana eba kideo bayu yue so kandeo salaka na oya noya pembe niye yuyu simba kambo lingolo kola likei talaka na mopange na yo kokolo bobi makiyo na yeho amona kibino naiko makata ngagisi ya mbuki nayo kaka malasi na yo eske olinga kanga motulo na linga kayo eske mokolo na kokufa yoka oko kito mimbo matiye chika kotu na kanga na tangwa mili oko pekisa ngana leisa soto naloba na linga yo nasina linga yo nakolinga yo kakae Rosalie fleur, rose na ngai, mai yuyo kera ngai, na bebi soto na makalisi. Na loba na linga yo, na sina linga yo, na kolinga yo kakai. Rosalie fleur, rose na ngai, mai yuyo kera ngai, na bebi soto na makalisi. Na loba na linga yo, na sina linga yo, na kolinga yo kakai. Rosalie fleur, rose na ngai, Soki e komi mini na songi simo maître nanga na 10h bona yebi kuna na ndako koya si atomo kina yeo na koko kama na dipona la la moke na ndako e oh na komi soba mama mama mama Kananga witiem biro bande koe e paya witiem na kolia kolala malamo mama e paya witiem kuna midondo kuteza la kanangote akola melanga maya moto soki na ningina ndonga mosala asomelanga ifangila terapi lipona lala moke akolinga te kutuba tungisanga soki na sina lali akobenanga chuchu Changer ma purée, et les années du Cambo. N'a pas mis en avant les bandes qu'on a lobby, les années du Cambo. N'a pas collé la tête, n'a pas collé la tête, les colonies sont massacrées. N'a pas la oyanga, comme a dit la calanga, maman. Pour n'a pas tout le col à courir dans la cate, n'a pas la lignée. Oh, n'a pas mis au bas, maman, maman, maman. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama